qui a commencé. Non, Karine Vanasse, là. On parlait plus de... Bon, ben, je pense qu'on est prêt à commencer, ça veut dire... À ce moment-ci, t'as le piton pas loin du pesé play, mon cher Nick, parce qu'on va y aller avec Bruno. Puis quand Bruno dit... Bonsoir, en manchette ce soir, on va avoir trois bonnes nouvelles parce que c'est une maudite belle semaine. Vous êtes à 70%. Play? Ninja peut tuer un ninja. Et voilà, je pense que oui, je pense qu'on est en onde. Bonsoir tout le monde, mon nom est Tommy Godette. Très content de vous retrouver un autre lundi soir pour un autre 70%. On est là pour donner notre strict minimum. Je vais skipper notre invité pour l'instant et souligner la gang de chroniqueurs qui sont là-bas. On a Damien qui est ici pour vous ce soir. Damien Blas-Bouchard. On a Mathieu Boudreau. Oui, un petit peu comme d'habitude. On est très content. Jean-Sébastien Godette qui est là aussi. On a un nouveau. Son nom, c'est Portalance Simon. Vous l'avez peut-être déjà vu si vous avez YouTube. Sinon, il est déjà venu à douteux.tv dans le temps aussi. On essaie de le convaincre de se couper les cheveux, mais c'est pas facile. Il a l'impression que c'est important à sa pénalité, à sa personnalité plutôt. Puis bien sûr, Antoine qui est de retour et Antoine qui va être le VJ ce soir avec sa douce Sarah. Oui, très content d'avoir tout ce beau monde-là. Double mandat. Et voilà, oui, il est occupé ce soir. Toto, tu vis ça comment? Il a l'air stressé, la pinte d'acide puis tout. Ben, comme je vous l'ai déjà dit, hein, moins il est midi, plus je suis sous, donc moins stressé. Et voilà. Ça va très bien. On est là. Et voilà. Et on lance en grande pompe la semaine internationale de Michel Forget. Alors, c'est important. Mm-hmm. Mais vous allez comprendre tout à l'heure, ça s'en vient. Oui, oui, oui. Parce qu'on va bien sûr avoir le discours et tout. Penses-tu que les autres pays sont au courant? À chacun son rythme, Bruno. À la fin, l'important, c'est qu'on finisse tout libre. Ça me rappelle un tournoi de karaté à Val-d'Or qui était organisé par Raymond Desjardins, que tout le monde connaît de Val-d'Or comme étant un crise de cave. Et il avait invité son frère qui habitait aux États-Unis. Et parce qu'il y avait quelqu'un des États-Unis, il a appelé ça un tournoi international. Ça avait été de toute beauté, le tournoi international de karaté de Val-d'Or, là. J'ai des frissons. Et puis, bien sûr, vous avez reconnu Bruno qui nous a présenté trois bonnes nouvelles aujourd'hui. Et peut-être que t'es la quatrième, Thierry. Ça va, Thierry? Ça va très bien, merci. Allez, applaudissez notre invité, là, go! Tu vois, il fake même pas. Toi, t'es plus habitué de faker, un amateur de GN et tout. Ah, voilà. Donc, là, on fait pas appel, parce que la dernière fois que t'es venu à 70%, t'étais venu nous présenter un GN post-apocalyptique du futur que vous faisiez dans un bunker, puis il y avait des photos, puis tout. Oui, ça a très bien passé. Ça s'est bien passé, d'ailleurs. Puis on recommence la semaine prochaine. Ça, c'est important, ces affaires-là. Puis sinon, ben là, ici, à soir, t'es venu nous parler de quelque chose d'un peu plus sérieux, là. C'est très sérieux. On va y aller dans les chromosomes, plus. Oui, c'est ce qu'on appelle le transfert mitochondrial. OK. Donc, tantôt, là, il y avait des cellules dans des... Tu es ça, proche. Il y avait des cellules dans le liquide d'acide aminé, là, dans le film. Oui, tantôt. Oui, oui. Attends un peu, comment il a dit ça? C'est une micro-injection d'informations ADN dans une seule cellule. Ben, ça ressemble à ça. Oui. Ben, c'est parce que veux pas... En tout cas... c'est de la science. Et oui, c'est oui. C'est de la biologie. Oui. Le transfert mitochondrial, Tommy, ce que c'est quand tu fais un bébé avec deux ovules puis un spermatozoïde. OK, oui, je te suis, là. C'est comme dans Parasite Eve, là. Non, je te suis pas, là. Tu me suis pas? OK, ben, tout va bien. C'est ça. C'est une technique, c'est de la science. Ou, en fait, c'est que tu prends un ovule, t'enlèves son noyau, puis tu le remplaces par le noyau d'un autre ovule. OK. Donc, tu as deux mères, puis un père. Puis pourquoi, mettons, c'est parce que tes mitochondries sont moins hautes que les miennes? Ben, c'est exactement ça. C'est ça le problème. C'est, en fait, c'est une maladie génétique qui est transmise par la mère. OK. Qui donne ses mitochondries à son embryon, puis qui sont mauvaises. C'est... Méchantes mitochondries. Ben, ça, il marche pas. Puis ça, c'est ça qui fait des Jedi, finalement? Parce qu'il dit, dans le film, il dit des mitochloriens. Ouais, non, mais si tu fais référence à l'épisode 1, il n'existe pas, donc je comprends pas. Tu sais, comme moi, Thierry, que la science ne peut pas prouver l'inexistence de quelque chose. Surtout quelque chose qui existe. Ouais. Je pense qu'on est mieux de vivre avec le fait que c'est là, puis de grandir ensemble. Toi, tu penses que les mitochloriens, c'est pas des mitochondries, là? Non. Parce que... Ouais, ben c'est similaire en fait, parce que les mitochondries, ça sert à faire de l'énergie pour la cellule. Puis, ben oui, ben oui. Ouais, c'est ça. Ben, en fait, c'est comme la combustion spontanée là, ça c'est les mitochondries. Oh, ouais. Ça c'est pas. Ouais. Oui. Mais parasite, c'est ça. Le monde, puis là, des affaires qui sortent, puis tu sais, c'est super scientifique, mais faut juste tout tirer dans le tas dans le fond. Ok, mais. Moi, j'avais entendu dire, parce que peut-être qu'on peut rappeler ça, toi, t'es comme un étudiant haut gradé, là. Toi, ça te coûte cher en études. Dans mon domaine, on appelle ça des morses, okay. Parce qu'on est vieux, gros, puis on diplôme pas. Ah. On est sur nos banquises de recherche, puis ben on est là. On dérive tranquillement. C'est ça. Mais ouais, je fais une maîtrise en bioéthique. OK. Puis je m'intéresse beaucoup à la fécondation in vitro, au Québec surtout, là. Puis, ben, au Royaume-Uni, ils ont décidé de passer, d'accepter de faire des transferts mitochondriaux. Donc, de faire des bébés avec deux mamans puis un papa. Ouais, mais je trouve ça. Ouais, j'avoue que ça revient à ça, mais je trouve ça. Il me semble que c'était comme moins pire. Genre, c'était pire de la manière que je pensais. Moi, je pensais que. Parce que j'ai déjà lu qu'à un moment donné, là, ils prenaient des ovules, là, deux ovules de souris. Là, ils les coupaient en deux, ils les recollaient, puis là, ça donnait une souris femelle. Mais il y a bien des choses qui disent. Ben oui, puis il paraît qu'ils ont fait une brebis clonée, là, puis ils ont des clones aussi, là. Mais faut pas tout croire ce que tu lis non plus. Ben non. Habituellement, quand c'est publié dans un journal en mandarin peu connu, c'est pas vrai. Ça me va. Ça habituellement, tu peux écarter ça. Ça. C'est dans le monde des sciences que c'est comme reconnu? Ouais, c'est reconnu que ça vaut pas grand-chose. Si c'est signé par l'Institut de recherche de Raël aussi, ça doit pas valoir grand-chose. Aussi, oui. Ben ouais, il y avait peut-être un clone humain, eux autres, il paraît. Là. Ben oui, il y a 15 ans à peu près. Ouais, puis ils vont nous le montrer. Là. Dans 15 ans, probablement. Ça s'en vient, ouais. Crois-tu à ça, toi, les clones? Tu te ferais-tu cloner? Est-ce que je me ferais cloner? Non. Ouais, genre qu'il y ait plus qu'un Thierry? Non. Il y en a déjà un de trop. Oh! Il est très sévère avec lui-même. Oui, pourquoi oui, tu très. Dis ça? Ça va bien avec ton père? Ça va très bien avec mon père. Hein? OK, c'est bon. Je sais pas, je demande. Mais, fait que là, l'éthique là-dedans, on se ramasse... Dans le fond, ouais, parce que les mitochondries, on peut pas vivre sans ça, là. Non. C'est la base de l'énergie qui fait qu'on peut comme faire des fingers ou Sauf que tu peux pas non plus dire que la deuxième mère, c'est une mère génétique. Parce que c'est pas le noyau. Ouais, la mitochondrie, c'est pas le matériel génétique là, d'une personne. Non. C'est essentiel à la vie. Puis pour faire des Jedi. Puis pour faire des Jedi, on s'entend. Okay. Mais c'est pas du matériel génétique qui rend la personne ce qu'elle est. Non, c'est ça, ça... Tu vas avoir le même nez de ton oncle, mais tu vas avoir des mitochondries en santé qui vont faire que tu vas vivre passer 5 ans. C'est ça. OK. Mais le problème, c'est que tu demandes à des parents de signer le formulaire qui dit « j'accepte de faire ça », qui est de la recherche qui n'est pas encore testée sur les humains, mais avec des parents qui veulent un bébé en santé. Donc, tu vas les chercher par les sentiments. Oui, ça, je comprends. Tu sais, tu leur dis « hey, signe ici, puis ton bébé va être en santé ». C'est ça. C'est ça. Si tu signes pas, en tout cas, ça va aller moins bien. Là, c'est toi qui décides. Exactement. Fait que là, t'es prêt avec des parents que, ben, j'accepte-tu pas. Et c'est quand même un risque pour mon enfant à venir. Ben, il va faire rire de lui aussi à l'école. Non, ça va être enfant, ça va être celui respecté qui est passé au travers plusieurs étapes de maladie, qui a vaincu de la chimio. Pis, et voilà. Donc, ça va être le héros de l'école primaire, en fait. Ah, j'aime ça. Ouais. Le héros de l'école primaire, ça existe pas, ça. Ben oui, ça ah existe. Oui, c'est le gars qui a embarrassé la fille qui est dans la classe plus haute. Mais non, c'est celui qui a vécu des périodes difficiles dans sa vie, puis que là, tous les profs disent aux autres élèves que... Ah, tu veux dire dans un film, là. Mais non, mais c'est parce que, premièrement, dès que les profs s'en mêlent, t'es plus le héros de l'école, là. Les profs peuvent pas dire aduler ce gars-là, mais... c'est le héros de l'école. Ça, c'est vrai, par exemple. Turn off, honestly. Ça, je suis d'accord. Non, mais quand c'est de la maladie, par contre, c'est différent. Il y a, okay. y a une réaction différente. Vous aviez pas le petit enfant malade dans votre école? C'est celui que ses parents, ils sont morts, ils ont été tués par des géants, genre. Puis, puis lui, mais lui, il a beaucoup de détermination. Il devient un des meilleurs juste par sa détermination. Il y en a qui sont plus talentueux que lui, mais lui, vraiment, il a ça dans son cœur. Parce que j'écoute beaucoup Attack de Titan ces temps-ci. Bon, oui, ben ou n'importe oui. quel manga. Il doit le faire pour sauver ses amis. Hein, ben c'est oui. important. Est-ce que tu as beaucoup d'amis? Ben, je pense que oui. Hein. Ouais. Est-ce que tu... Ah bon? Est-ce que tu joues à Magic? Non, malheureusement. En fait, tu sais, c'est quoi le problème? C'est ma blonde, le problème, là-dedans. Pourquoi? Oh! Ah non, oh! Mais il dit au micro, non, puis elle n'en a pas. Laisse-le parler. Non, j'ose. Parce que la fois où elle m'a initié à Magic, elle m'a comme... Elle a exploité une faiblesse dans mon jeu. Elle t'a brisé. Pour me démolir. Ouais, ouais, ouais. Puis ben là, elle m'a pas donné une deuxième chance, hein, parce que, tu sais, c'est sérieux le jeu. Ben oui, tu prends ta retraite quand t'as juste gagné une fois. Là, Bart, il a fait ça à Homer à la boxe. C'est ça. Fait qu'après l'avoir lavé, ben je fais, ouais, non, merci. Hein, ah ben, tu viendras jouer avec moi. Hein? C'est... Non, c'est un piège. C'est un piège. C'est un piège. Ben non, c'est le fun Magic, en tout cas. Fait que sinon, là, tu finis ta maîtrise là-dedans. Pourquoi t'as choisi un sujet comme ça? Ouais. Hey boy, c'est une bonne question. Ben, en fait, non, ben, c'est parce que tu parles de progression assistée. Pour rencontrer pis... des filles? Non. Non, ben, en fait, oui. Dans mon programme, c'est des femmes matures de 45 ans et plus. Donc, pour rencontrer des femmes. C'est bien pour tuer la compétition. C'est ça. Non, mais en fait, la progression assistée au Québec, c'est un sujet quand même de très actualité. Ben oui, y a Joël, là. Oui, oui. Quel autre aussi? Mais on peut pas en parler parce qu'il est plus dans... René Angélil, lui, c'était ça aussi. Aussi, aussi, ouais, ouais, ouais, ouais. C'est quoi? C'est que, dans le fond, ils prennent comme le sperme par la main, puis là, ils l'amènent, puis là, ils disent, tiens, présentez-vous. Ouais, en tout cas, il y a différentes techniques, mais ouais, ça ressemble à... Il y en a, il y a ça. C'est du speed dating d'ovule. Ouais, ouais, ouais, ouais, ça, ouais. On peut voir ça comme ça. Sinon, toi, tu vas être placé pour le... Il paraît que l'ovule sélectionne le spermatozoïde. C'est pas le premier qui arrive, c'est que là, après ça, elle a choisi. Ça en prend une coupe. C'est parce que t'as comme plusieurs barrières à l'ovule. OK. Puis ben, ça prend une coupe de spermatozoïdes pour péter les barrières. Fait que le premier, il réussira pas. OK. Non. Fait que c'est pas l'ovule qui choisit, c'est pareil, un travail d'équipe. Ben oui, c'est un travail d'équipe. Okay. Ça en prend une coupe pour ben... Mais c'est comme la guerre, c'est que beaucoup ont besoin de mourir en chemin pour... Ouais, c'est de la chair à canon, en fait. C'est de la chair à canon. Ils vont mourir contre les parois de l'ovule avant qu'il y en ait un qui passe. Et voilà. Puis là, après ça, ça fait une... Ouais, j'ai pensé... Tu sais, les Romains, souvent, ils prenaient des prisonniers. Et puis là, ben, ils lui donnaient pas de linge puis une bale de foin. Là, ils disaient, ben, cours sur le champ de bataille. Fait que là, les gars, ils couraient le plus loin possible. Puis là, ben, ils mouraient souvent dans des pics ou d'autres choses. Parce que dans le temps, ils mettaient bien des pics. Fait que là, après ça, eux autres, les soldats pouvaient arriver. Puis là, ils pouvaient marcher. Puis c'était plus confortable. Ouais, c'est moins cruel que ça, là. Ben mais... non, ça l'est autant. Ben non, mais imagine en fait plus comme dans Lord of the Rings, quand ils pètent le mur de... Je me souviens plus. Helm's Deep? Ouais. Tu sais, il y en a un qui court avec ses bombes, ouais. Avec les Uruk-hai. Ouais. C'est plus ça. Il faut péter, il faut faire une brèche pour qu'il y en ait un qui passe. Et voilà. Bon, ça me va, ça me va. Sinon, ben, t'es rendu habitué à la nouvelle formule de 70%. Oui, ouais, ça veut dire à partir de maintenant, t'es assis là puis tu critiques ce qui va passer. Fais des liens aussi, hein. Tu peux comme nous apprendre, continuer à nous pédagogiser. C'est bon, je vais essayer ça. Peut-être as-tu un site internet, pas nécessairement à toi, mais une place qui est pas comme en mandarin, là, ou tu sais, de quoi que... Pour des publications locales. Ouais, ouais, ouais. Bioethics Online. C'est étudiant, prof, c'est intéressant. C'est très simple, c'est très vulgarisé. Des 4 pages souvent, donc pas trop long. C'est, ouais. Bioethics. Avec un S. Ethics. Bioethics. Online. Point, ça doit être CA sûrement. C'est bon. Merci. Thierry, tout le monde. Let's go. Là-dessus, ben, je pense que tu peux commencer. Vas-y, Monique. Voici maintenant les manchettes internationales avec Bruno Corbin. Salut Bruno. Salut Tommy. On y va tout de suite avec une première bonne nouvelle parce que j'en ai trop. Alors la bonne nouvelle, 70%. Une femme de l'Indonésie a mis sa maison en vente et s'offrait elle-même avec la maison comme femme à marier. Wina Lia, 40 ans, est une mère monoparentale qui a rencontré des difficultés financières et a décidé de vendre sa maison, mais seulement à quelqu'un qui accepterait de la marier en plus de lui donner le prix de 75 500 $ demandé. La femme a d'ailleurs trouvé un acheteur. Hey! Reddy Echo, un fonctionnaire de 46 ans, père monoparental lui aussi, a décidé de vendre sa propre maison et d'utiliser l'argent pour acheter la dite maison et la dite femme. Oh. On leur souhaite beaucoup de bonheur. C'est le mot « acheter la femme » qui est... Au moins, ça a bien été. Hein? Ah oui. Tout le monde applaudit, on est content. Ah oui, bonne nouvelle. Paul Dennis s'est présenté aux élections municipales de Kent au Royaume-Uni sans recevoir aucun vote. Le chauffeur de train qui se présentait pour le Trade Union and Socialist Coalition n'avait pas dit son dernier mot. En effet, l'homme de 45 ans a demandé un recomptage suite à l'annonce du résultat. Oh. La raison, il affirme qu'il devrait avoir au moins un vote comme il a voté pour lui-même. Est-ce que ça changera le résultat de cette élection controversée? Non. Non. Rendu là, c'est l'honneur. Hein? C'est... Ah, peut-être. Il a voté pour lui, c'est douche, ça, me semble. Je pense que tu fais... Ben, en même temps, si tu t'es rendu à te présenter, ouais. J'espère que tu penses que c'est toi le meilleur, là. Tu voterais pas pour toi? Ben non, c'est douche, fais ça. Moi, je voterais pour Justin Trudeau, là. Ouais, mais on va tout faire ça, là. Moi aussi, mais c'est juste pour avoir mon calendrier en couleur. Ah oui, c'est important, ça. Timothy Bontourager a été accusé d'entrer par infraction après être entré dans une maison le week-end dernier vers 7h20 du matin. La propriétaire de la maison s'est réveillée et a trouvé l'homme couché sur son divan en train de dormir. Elle l'a réveillé, lui a demandé ce qu'il faisait là. L'homme s'est excusé et est parti. Ce n'est qu'après que la femme a découvert que son portefeuille, son permis de conduire, ses cartes de crédit et ses chèques personnels étaient disparus. La police a retrouvé Bontourager quelques minutes plus tard alors qu'il marchait le long de la rue. Ben oui, c'est ça. Il terminait son somme sur le banc d'autobus à côté. Sacré winner. Tu nous gardes le reste pour la fin? D'accord. Okay. Crois-tu en ça, toi, l'évolution? Ben, oui, c'est pas une croyance. Hein, c'est la vie, tu veux dire. C'est ça. Ouais. Non, je vais pas... Ben, c'est parce que c'est pas génétique, l'intelligence. Hein. Non, ça, c'est vrai, par contre. Est-ce que croire en l'évolution, c'est un peu comme croire en Star Wars épisode 1? Tu peux... Ouais, c'est ça, hein? T'es un négationniste, faut que tu règles ça. Jar Jar Binks lives. Non, mais il y a une version qui circule sur le net sans Jar Jar Binks. Ça doit rien changer à part de ça. Ben, t'as juste pas les répliques idiotes de Jar Jar. Ben, c'est ça, ça change rien. Il sert à rien tout le temps. Là. Mais bon, hein. Let's go, Nick, on passe au prochain. Et voilà, c'est la relève. Simon Portalance, bonsoir. Bonsoir, Tommy, ça va bien? Ben, ça va très bien, toi de même. Ben ouais, super bien. Je suis bien content d'être ici ce soir. Tu nous as mis un beau t-shirt, veston, ouais. Tout. Ouais. Un beau t-shirt de Canal Famille. Hein? Hein? La chaîne du futur qui la disait, casquette hein? TQS, ouais. Non, ça, c'était TQS, la chaîne du futur. C'est ça qu'ils disaient. Quand ils ont fondé TQS, ils disaient « Nous autres, on est la télé du futur parce qu'on a des nouvelles caméras super technologiques avec des nouveaux tubes. » Finalement, ça n'a pas fait un long feu, malheureusement. Ben, veux pas, les caméras, ils sortent le meilleur modèle hier. Ouais, c'est ça. Ils ont été la télé du futur un bon 3 mois. Et puis, je me rappelle aussi, le slogan pour les nouvelles, c'était « La station qui crée l'événement ». Exactement. Ça, je trouve que ça donne confiance. Ça te donne confiance dans tes nouvelles. Là. Ouais. Bon, ben moi, aujourd'hui, j'ai une super chronique que je vous ai préparée en fin de semaine. En fait, je savais pas trop quoi faire, fait que je me suis dit « Tiens, on va retourner à la base, je vais parler d'un film ou de quelque chose que j'ai regardé dans ma fin de semaine. » Alors on y va avec mon introduction. OK. OK, mais c'est ça, je veux pas que vous me perdez, là. C'est bien important. C'était pas ça, ton introduction? Ben, c'était ma, ma vraie introduction. Ça, c'était comme une small talk. Un préambule. OK, c'est bon. OK, OK. OK. Lorsqu'on est un enfant des années 90, il y a trois choses essentielles qui nous faisaient capoter. Les cassettes VHS, les affaires de pirates, pensons à Robinson Sucroé, les biscuits pirates ou encore télépirates, et aller manger chez McDonald's. Et le film que je voulais vous parler aujourd'hui résume ces trois sujets incroyables. Je parle évidemment des aventures de Ronald McDonald, l'île au trésor. Pardonnez-moi, l'île au mec trésor, nuance. L'île au mec. Il a passé son initiation, lui a gagné. Ouais. Okay. La mec île au mec trésor. On pourrait dire ça. OK, fait que là, c'est écrit un classique qui s'anime, une vidéo d'animation pour les 2 à 7 ans. Inutile de dire que, un, j'ai 22 ans, et deux, j'ai acheté ça dans un pawn shop à Matane, à la commode verte, en décembre dernier. Puis c'est vraiment cool. Fait que là, je vais vous lire le derrière de la boîte. Laissez Ronald McDonald faire découvrir à vos enfants un des contes les plus populaires de la littérature enfantine. Une façon amusante pour eux de se familiariser avec les classiques. J'imagine et, qu'il y a d'autres. Et avec volumes. Le clown aussi, beaucoup par la bande. Ouais, il y avait un clown. Ronald et ses amis du royaume de Ronald McDonald partent à la recherche d'un nouvel ami, le jeune Jim Hawkins, alors à la recherche d'un fabuleux trésor disparu. Le pirate Long John Silver voulait garder le trésor à lui seul. Ça ressemble vraiment à l'île au trésor. Ouais, c'est pas mal les mêmes noms de personnages, là. Rien que vous dire, j'ai jamais lu le derrière la boîte. Je le découvre en même temps que vous autres. Heureusement, Ronald McDonald... What the fuck, qu'est-ce qui calisse? Heureusement, Ronald McDonald a plus d'un tour dans son sac. C'est... A plus d'un lieu commun dans son sac, ouais. Oui. Ses pouvoirs magiques lui permettront de déjouer Silver et ses confrères malveillants. Ah, c'est le fun, il dévoile les pommes. On vient-tu d'apprendre que Ronald a des pouvoirs magiques? Ouais. Ben, tu le savais pas, il peut comme faire. Ouais. Il me semble, il fait des. Ah oui, il fait des arches. Ouais. Là, ouais. Mais là, faut pas vendre les punchs, là. J'ai des trucs capable à raconter. De faire les M de McDo, hein? Et ce pouvoir magique permettront de vaincre les méchants, pis tout. Pis allons à l'île au mec trésor. Un bon 30 minutes. L'île au mec trésor. Hein? Pas pire. Ben là, il y a un petit imprévu dans toute cette chronique-là. C'est bien plate, mais tu sais, quand je suis arrivé pour écouter les lots trésors et mettre ça dans mon VHS... Au c'est... mec trésor. Ouais, ben c'est ça. Merci de me reprendre. Une chance que vous êtes là. Je mets la cassette. Bang! Coup de théâtre! Un quart de demi-film de l'an 50 était enregistré sur cette cassette maudite du diable! Fait que, changement de cap, je vais vous parler de l'an 50. OK! OK, première chose que je vois en pesant ce play, c'est Karl Marotte en train de faire de la boxe. Quelques secondes d'interrogation et je me rends à l'évidence. Ben, calisse, il y a un demi-film de l'an 50 enregistré par-dessus. Je viens de le dire, je savais pas que je l'avais écrit, je suis vraiment désolé. Puis tu sais, moi, dans vie, j'ai juste vu les deux premières saisons de l'an 50. Puis ça, apparemment, que c'est un téléfilm qui ont tourné au début des années 90. C'est quand même une couple d'années plus tard, tu sais. Fait que là, je comprends plus rien pantoute. Tu sais, Pierre Lambert fait de la boxe. What the fuck, c'est un joueur de hockey dans ma tête. Il y a le petit Hugo qui a changé de face, hein, de même. sûrement un changement d'acteur. Puis Lambert, il... Puis là, Lambert, il fréquente plus Ginette, c'est plus la Docteur Noire. Non, non, c'est comme une fille blonde que je connais pas, que j'ai su par la suite qui s'appelait Patricia. Eh ben, hein, les temps changent, on va dire. OK, scène suivante. Bang, Pierre Lambert revient au hockey et va jouer pour les Canadiens. Oh, je savais même pas qu'il avait arrêté de jouer. Hein, merci, c'est le fun. Là, je comprends plus rien, j'ai des crises d'angoisse, j'ai envie de pleurer. Puis là, je pense au pauvre Ronald McDonald qui a été effacé par la bande magnétique. Je capote, hein, littéralement. Au moment où je crois que tout est perdu, bang, un bloc publicitaire avec une pub de O'Keefe, hein, la bière des chevaliers. Là, je mets le VHS, suppose, je m'en vais au dépanneur à côté de chez nous, pas d'O'Keefe. On retourne chez nous. Hein? D'ailleurs, si vous voulez de la O'Keefe, O'Keefe J+, là-bas, il y en a. À ma fête, j'en ai bu 5, puis j'ai eu mal au ventre après. Si jamais. Ça, si jamais. Une expérience puis, c'est meilleure tablette. Je dis ça de même. OK, fait que là, je reviens, puis là, bon, prochaine pub, Coke Impro classique. Bon, OK, du Coke, ça existe encore, fait que je m'en suis ouvert un. Ah, moi, je suis bien influençable à la publicité. Puis, bon, retour à l'enseconde, des scènes de hockey, plein d'affaires. Bon, la seule affaire que j'ai retenue, c'est Pierre Lambert qui arrive. « Hey, qu'est-ce qui te prend? On est dans la même équipe! » Là, t'as un joueur anglophone qui dit « Fuck you, pussy! » Puis c'est... c'est ça que j'ai retenu. OK, On l'a fait tout cette indépendance-là? Fuck you, pussy! Je suis en tabarnak! OK, fin du téléfilm, générique de fin, la toune pis tout. Oh, retour à l'île au mec trésor! Yes! Oh! C'est incroyable! OK, c'est le meilleur bout de la chronique, là. OK, on retrouve Ronald et ses amis dans un bateau en pleine mer. Ils se rendent sur l'île au trésor. Mec trésor. Au mec trésor, merci. Désolé, je suis habitué à dire trésor, c'est pas de ma faute. OK, la mec team court dans les bois quand tout d'un coup, on entend un cri à l'aide du jeune Jim Hawkins. Aidez-moi, à l'aide! OK, tous courent à sa rescousse. Là, il y a... ça c'est cool. Il y a comme grosse douceur, pour ceux qui savent pas de grosse douceur, c'est une grosse patente mauve qu'on sait pas c'est quoi. Il court, oh, attendez-moi les amis. Là, on voit un plan comme de ces lacets qui sont détachés. Puis là, attention, vous n'en croirez pas vos yeux. Il arrive, il tombe à terre, il s'assied un tronc d'arbre et tombe dans le trou. Les mecs copains se ruent pour sauver leur ami. Les mecs copains? Ouais, ça c'est moi qui ai décidé de les appeler de même. Parce que je voulais comme pas dire Ronald, Amberglar, les autres. C'est moins long. J'ai mis tout dans le même panier. En plus, ils acceptent un voleur avec eux. Ah ouais, c'est, ça n'a pas d'allure. Là. Moi, je pensais qu'ils volaient les hamburgers. Ah ouais? En tout cas. Moi, c'est le Judas de la gang. Ça doit être d'un autre cassette, on découvre ça. OK. Attention, tout le monde tombe dans le trou. Oh! Hein? Quel cliffhanger incroyable, même si c'est pas un cliffhanger. Pourquoi j'ai dit ça? What the fuck? OK, pour sortir du trou, Ronald fait apparaître des ballons magiques. Et il sort de la grotte tous ensemble. Hein? Des ballons à l'hélium. Toute la gang, let's go. Hein? Un vrai magicien. Là, il se retourne dans la forêt et reste coincé dans les sables mouvants. Oh, c'est chaud, tout le monde est prisonnier. Mais là, Ronald sort des flûtes magiques qui font bouger des lianes qui apparaissent de partout. Tout le monde s'accroche à une liane et tout le monde est sauvé miraculeusement. Puis là, Ronald McDonald dit la catchphrase suivante. Il est déjà content. Attention, Ronald il dit... C'est un petit tour qu'on nous apprend au manoir Ronald McDonald. TM. Hein? Moi, à ce que je sache, là-bas, on soigne des enfants handicapés. T'sais, on fait pas de la magie, là. Chris mélange pas les affaires, c'est pas une école de cirque, là. OK, on retrouve les méchants pirates qui mènent Jim quelque part. Pour les faire fuir, Ronald a plus d'un tour dans son sac. Comme écrit sur la cassette. Il imite une voix de fantôme avec un porte-voix et ses amis manipulent un fantôme. Les pirates quittent les lieux. Tout est bien qui finit bien. Yeah! C'est comme un film de Narnia. Okay. Ah oui! Ah, Aslan! Bon, ben c'est fini. Je pense presque. Il me reste une petite conclusion. C'est très important de spécifier qu'il était dans un livre. Parce que ça, vu qu'on n'a pas vu le début du film, je savais pas, mais Ronald McDonald, il y a des livres chez eux. Puis là, il est allé dans le livre. Il a ouvert le livre, il est rentré dedans. Hein? Il est allé rendre le livre plate en étant dedans. Exactement. Okay. Puis là, ben je pense qu'on va finir ça avec les... Ben presque finir, parce que j'ai une petite surprise à la fin. Hein? On va vous dire les trois morales de l'histoire qui ont été dites à la fin du film, puis je vais essayer d'imiter les voix. Hein? Là, t'as comme Jim Hawkins qui dit « Hey Ronald McDonald, voulez-vous votre part du trésor? » « Non merci, Jim. Nous avons reçu quelque chose de mieux. Votre amitié. » Puis là, il sort. Ouais. OK. Deuxième morale. Amitié! Amitié! Amitié! Amitié! Amitié! Amitié! Amitié! Parce qu'on sait que le McDonald's, il vend des hamburgers et tu lui donnes de l'amour. De l'amitié. Ouais. Morale numéro 2. Et puis, ça nous a prouvé une chose. Lorsqu'on a des amis pour nous aider, rien n'est impossible. Amitié! Amitié! Amitié! Amitié! Amitié! Amitié! Okay. Fait que c'est un peu la même morale. Là, ouais, ben ouais. Ça revient au même. Puis, on va finir avec la dernière phrase de l'histoire. Ça fait... Il y a Grosse Lucia qui dit... Ronald, est-ce que tu crois que Jim et ses amis ont pu regagner leur pays après cette aventure? J'en suis certain, Grosse Douceur, parce que tu vois, c'est écrit dans le livre. Plot device! Plot device! Tout le monde rit, tout est bien qui finit bien. J'aimerais faire une petite parenthèse, le doublage a été effectué par sûrement les meilleurs doubleurs de l'univers. Yves Corbeil. Hein? Mario Desmarais. Hein? Qu'on connaît tous pour le fabuleux Monsieur Racine dans Degrassi, ou encore Principal Skinner et plein d'autres, et Hubert Gagnon, qu'on connaît pour Homer Simpson, Jean-Claude Robillard, feu Jean-Claude Robillard, Grand Papa B, et finalement, le meilleur comédien de 4 et demi de tous les temps, Alain Zoubi! Zoubi! Zoubi! Fait que là, dans le fond, c'est genre une maman qui voulait pas manquer la fin de dans ses comptes, fait qu'elle a pris la première cassette du port. Ouais. Fuck you, mon kid. Puis elle a parti ça, mon gars. Let's go. Le retour du chat. La meilleure affaire. Moi, j'aimerais ça penser que c'est parce qu'il fallait qu'elle s'occupe de son hostie de kid. Fait que pour se revenger, elle est allée chercher une de ses cassettes. Ouais. On sait que le monde à Matane sont du genre à faire ça. Et ouais. Je viens de là. Et voilà, ça a été dit. Puis finalement, ouais, c'est ça. Puis il y avait d'autres floppés d'Asbin qui faisaient du doublage, mais plein de gens qu'on connaît fuck all. Puis je voulais terminer avec la chronique avec une merveilleuse blague de Claude Blanchard. Hein? Il y en a des salés rock'n'roll, lui, genre des affaires. Y a-tu des gens ici qui ont déjà lu ce livre-là? Nice! On est contre la violence faite aux femmes et on est contre la ségrégation de quelque façon que ce soit. Okay, lis la blague. On va en pogner une au hasard. OK. En maternelle. Hé, hey, n'oubliez pas, mes petits amis, si vous avez envie d'aller au petit coin, levez la main. Je n'aurais jamais pensé qu'on pouvait faire ça comme ça, de dire Paul à Claude. Ah, fuck you, Claude. Fait que c'est quoi, c'était qu'il lève la main pour pisser, là? Ouais, lève la main, pis il s'est censé pisser. Simon Portalance, mesdames, messieurs! On restera pas jamais là-dessus, certain. T'as-tu appris quelque chose, vas-y, ben, Thierry? En fait, je me demandais bien qu'est-ce que je dirais après ça. Puis la leçon de l'amitié est importante. Puis, ouais. Là, je vais plugger mon programme d'études. Tu sais, il y a de la reproduction médicalement assistée. Savais-tu qu'il y avait aussi la reproduction amicalement assistée? Wow. Ça, c'est Joël Legendre. C'est ça. OK. Wow. Bon, ben. Amitié. Bon. Let's go, Nick. Alors, on passe au prochain. Merci. Mesdames et messieurs. Vous écoutez le Super Plus sur DTD. Oh yeah, mesdames et messieurs, c'est l'été. Oh. Très content de te revoir, Damien. T'as l'air radieux, je sais pas. Je suis fatigué. Ah, tu peux baisser le générique. Quoi? Bon. Chris, on niaise pas avec ça. Mesdames et messieurs, je suis vraiment fatigué. La chaleur, la volupté de l'été m'épuise. Et puis, je suis allé au parc rencontrer des amis et j'ai pu remarquer qu'il y avait plusieurs jeunes filles qui étaient habillées de façon dénudée. Et en tant que personne de sexe masculin et hétérosexuel, ça m'a touché. Je me suis dit... Bon, ces filles-là sont pas super habillées. Mais je me suis dit, est-ce que ça serait possible de retrouver le sentiment initial de pas avoir de linge, c'est-à-dire le sentiment de volupté, le désir de connaître, ce plaisir de se dénuder peu à peu, sans souci de se sentir ridicule. Et c'est pourquoi j'ai décidé de devenir naturiste. Oh! Hey, mais Damien, ça tombe bien, Damien. Aurais-tu des gouttes d'eucalyptus pour mes yeux? Je souffre d'une enflure aux bulbes iriciales et j'ai mal intensément. Ha! Mathieu, mon ami, tu penses que je suis herboriste? Non, je ne suis pas du métier de broyer des épinards et des aspirines pour en faire des cataplasmes. Non, le naturisme, c'est une esthétique de la beauté. Pas besoin d'être expert en naturisme pour être un expert. Il suffit d'être nu. Donc, vous pouvez le dire vous-même, mais j'avais déjà prévu mon antithèse. En fait, le naturisme, c'est aussi une forme de langage. C'est une métaphore pour signifier le désir d'être nu intégralement à l'intérieur de soi. Bande de public de plébéiens, taisez-vous, j'ai pas fini de parler. Ils veulent voir des mamelons, j'ai l'impression. Il y en aura pas. Non, non, encourage-les pas, Damien. C'est plus sexy par le haut. Mais toujours est-il que si on rappelle la métaphore d'Adam et Ève, hein, parce qu'il y en a qui pensent que c'est la vérité, l'évolution, bien sûr. Bon, Adam et Ève ne savaient pas qu'ils étaient nus. Et en fait, ce principe-là de l'innocence est à la base réellement du naturisme, comme quoi en fait il faut oublier d'être nu. Donc, pensant à ça, oublier d'être nu dans ses vêtements, moi ça m'a fait en fait voyager et j'ai décidé en fait de subir une initiation que je me suis moi-même octroyée. Donc, je suis allé sur une plage de nudistes et là j'ai essayé d'oublier que j'étais nu. Et c'est là que j'ai rencontré un vieux monsieur. Lui était surnommé Rebound. D'ailleurs, si on se rappelle, en fait, le jeu avec des élastiques puis des pichenottes, lui, c'est un monsieur, il s'appelait Rebound. Il y avait une fille de 19 ans qui avait un tatou DCDC avec un éclair sur une fesse. Donc, je suis allé dans l'eau pour oublier qu'elle était nue. Mais je sais pas si vous l'avez déjà fait, quand il y a des vagues dans l'eau, en fait, on peut se mettre, tu sais, à la limite, là, on en a jusque là, mais tu sais, à chaque fois qu'il y a une vague, on se donne un petit coup avec le pied, fait que tu sais, on se soulève comme ça, donc t'es volupté, en regardant vers la plage. Donc, après ça, je me suis dit, bon, j'ai besoin de réfléchir, je suis incapable d'oublier que je suis nu, je pense toujours au fait que j'ai un pénis. Donc, je suis allé dans le bois un peu plus loin, j'ai dépassé les toilettes, puis là, je me posais des questions, je me frottais la tête comme ça, mais pourquoi, c'est compliqué, nanana. Et puis là, j'ai vu un gars qui était dans un buisson comme ça, qui était tout caché, puis qui avait peur de se faire boire. J'ai dit, qu'est-ce que tu fais là? Il dit, mais c'est parce que j'essaie d'oublier d'être tout nu. Puis ça a été le début d'une grande relation, de l'amitié, bien sûr. Ouais, mais ça n'a plus trop rapport, votre affaire. Puis... Donc, je suis content que vous soyez un public participatif, parce que c'est pas très drôle, mon affaire, aujourd'hui. Donc, après ça, je suis allé sur la plage, et j'ai regardé le soleil couchant descendre vers la ligne de l'horizon, là où le zénith se confond avec le ciel, et où l'imagination, dans un bref laps de temps, s'envole avec même la substance de chair qu'on a à l'extérieur, et on a l'impression d'être Dieu. Mais après quoi, en fait, je suis rentré chez nous, puis j'ai chié du sable. Ah, Damien. Merci. Sacré Damien. Lui, ses méticloriens sont en santé, hein, ça précise. Hein. Pourrais-tu. En fait, on peut pas. Parce qu'un coup. Hey boy, hein, il m'envoie du chi. Non, c'est la force. C'est... On peut pas changer hein, les mitochondries. Parce que, dans le sens que. Tu peux pas comme. Pas comme les dialyses, mettons. Là. On pourrait pas changer les mitochondries t'as de quelqu'un. T'as une chance de le faire, puis c'est quand tu fais la procréation. C'est ça, parce c'est, qu'après c'est... ça, eux autres aussi, ils se multiplient dans les c'est cellules. Ça. Okay. C'est ouais. C'est-tu vrai que c'est vert? Ben, moi, mon schéma, c'était rose, là, mais... Ah ouais. Moi, j'ai tout le temps vu vert. Tu penses au chloroplaste, probablement. Ça, ah, c'est peut-être. Les plantes, mais okay, ça, c'est pas la même chose. C'est pas la même affaire. Non, les plantes, c'est pas la même affaire. Non, c'est pas la même chose. C'est pas pareil. OK, let's go, Nick, prochain. Ah non, on est-tu rendu? America, America, fuck yeah, coming again to save the motherfucking day. Yeah, America, fuck yeah, freedom is the only way. Yeah. Bonsoir messieurs. Salut Toto. Salut, Toto. Est-ce que vous allez bien, gang de malades? Non! Ok, ça suffit. Hey, je suis content d'être ici ce soir. D'abord, Thierry, bonjour. Allô, Toto. J'aime ça quand tu parles. Je comprends comme rien. Ça me fait comme penser à plein d'affaires autres. C'est le fun. Hey, si je peux te faire plaisir, Toto, t'es une source d'inspiration. Trouvez-vous un motel? Écoute, ça veut dire que... Tu... Non, mais ça fait juste prouver que tu comprends autant rien quand moi je parle que quand toi tu parles, moi je comprends rien. Alors, on est fait pour s'entendre, non? Ça va bien aller. Ça va bien aller. Je pense que oui. Écoute, je suis content d'être ici ce soir. D'abord, c'est une grosse soirée pour ben moi oui. Parce que, après près d'un an d'absence, messieurs, je refais avec ma copine ce soir le VJ de la soirée. Alors, je pensais que tu refaisais avec ta copine quelque chose d'autre, puis je trouvais ça vraiment triste après un an d'absence. Après un an d'absence, Bruno, ça a fini par marcher. J'avais vraiment peur de ce que tu allais nous attendre. Non, mais il y avait une fin à cette phrase-là. Oui, oui. Et d'abord, je suis très content de le faire. Évidemment, il va y avoir l'habituel, hein, la routine, c'est-à-dire de la lutte, du country, de la vieille TV québécoise. Non, donne-toi. Le monde sont attendris. Hein? Le monde sont attendris. Oui, je le sais, c'est beau. Avec la lutte. Mais écoute, la lutte, tout est dans la lutte est dans tout, je le dirai jamais assez. Hein? Et ce soir aussi, ben, on va marquer en grande pompe, et c'est ici que je suis pour vous parler de ça. Hein? Fais une phrase avec les mots que je viens de dire. Oui, oui, c'est bon. C'est fait dans ma tête. Là. C'est une phrase avance, dont vous êtes les héros. T'as tous les mots, sont à toi. Je suis ici pour plugger la Semaine internationale de Michel Forget. Sure. Et, dépendamment du succès de cette semaine, nous aurons l'année prochaine le mois international de Michel Forget. Hein, donc, MIMF en 2016, s'il vous plaît. T'étais-tu en train de me dire que l'an dernier, il y a eu une journée puis ça a tellement marché que là, tu fais une semaine cette année? Ben, l'an passé, en fait, ce qui est arrivé, c'est qu'il y a eu une journée où je me suis tapé 16 tacotacs. Puis deux saisons complètes de l'ancien compte. Puis tu t'es dit, une journée, c'est pas assez. Puis je me suis dit, pourquoi souffrir seul, Bruno? Quand il y a tellement de monde qui veulent t'aider, hein? Non, mais sans farce, c'est comme j'en parlais un peu la dernière fois que je suis venu ici pour faire ma chronique, j'ai passé quelques temps récemment dans un séminaire, un cadre de ressourcement de liberté, qui était évidemment présenté et mis sur pied par le Redneck Council, section Canada, bien sûr. Et j'ai été appointé pour m'occuper de la Semaine internationale de Michel Forget, section Montréal, parce que non, mais on se bat où ce qu'on peut, hein? Et c'est une cause qui me tient beaucoup à cœur, parce que hein, Michel Forget qui approche les 73 ans, alors c'est pas rien, hein, il était vieux bien avant qu'on soit né, hein, alors c'est pas rien. Et écoute, s'il n'y a qu'un seul monstre sacré de la moustache et de la télé au Québec... C'est Donald Lautrec! Oh! Peut-être aurons-nous plutôt un mois de combat entre Donald Lautrec et Michel Forget, qui sait? Cage match! Dans une cage, hein, c'est toujours bon de sortir de la cage. Alors, ce soir donc, il y aura des extraits de du Tac au Tac, des extraits, ben pas des extraits, mais des pubs, hein, parce que Michel Forget, homme d'affaires émérite, hein, qui a compris, lui, évidemment, le capitalisme et la liberté, parce que s'il y en a un qui est libre, c'est bien Michel, hein? Non, mais tu ne peux pas, vous allez voir dans du tac au tac, tu ne peux pas porter des vestons d'une telle laideur sans être libre. Sans avoir quelque chose, ben oui, ben oui. C'est ça fait sûr un lien avec la lutte, parce que Macho Man, c'est le gars qui s'habille le moins bien au dessus. Ben en fait, Macho Man, c'est le seul gars au monde qui continue à être crédible en s'appelant Macho, mais en portant de la soie rose. Ouais, avec des franges. Et des franges qui touchent à terre. Ben ouais. Alors, c'était fantastique. Donc, Michel Forget, ce soir, on va l'aimer, on va le vivre, on va le chanter, hein? Parce qu'il y a des magnifiques pubs chantés. C'est la Parisienne, c'est la Parisienne, c'est la Parisienne. Pour ceux qui n'avaient pas compris les quatre premières fois. On a gratté des petits prix. Alors vous allez être... Ben oui, on a gratté aussi. On a un petit jeu pour boire aussi ce soir, c'est pas compliqué. À chaque fois que tu vois la moustache à Michel Forget, tu prends la plus grosse gorgée de bière de ta vie. Pour le rendre fier. Mais c'est pour rentabiliser les 40 pubs que je... Alors, c'est de ça que je voulais vous parler. Je voulais vous présenter un peu notre playlist de ce soir. On est très fiers. Et c'est ça. C'est un outil de liberté essentiel à mettre dans sa trousse. Alors, sur ça, je vous laisse avec ça. Puis on va revenir la semaine prochaine. Parce que je vais vous compter. Parce que j'ai suivi des cours de liberté hein, dans ce séminaire-là, bien oui, sûr. Oui, oui, bien sûr. Et ben, c'est ça. Je suis ici pour passer mon savoir. Hein. C'est comme ça que la cause grandit et qu'on gagne à la fin. Et voilà. Alors, merci, Toto. Merci. Hey, Antoine Lavigne, tout le monde. Ah là là là là. Est-ce que une mitochondrie, c'est libre? Ben, étonnamment, oui. Elle peut pas changer de cellule. Non, elle peut pas, mais elle se copie elle-même. Elle attend pas que la cellule se divise pour se diviser. Ouais, ouais, elle fait tout seul de son bord. C'est comme, mettons, les polices qui ont leur propre bord. Ouais, on pourrait dire ça. Non, mais tu peux trouver une autre métaphore, c'est mieux. C'est ça serait une qui marche idéalement. Ouais. C'est comme l'anarchiste qui fait des affaires de son bord. Elle fait ses affaires de son bord. Elle se reproduit, elle gère ses affaires de son bord. C'est-tu gros, ça, par rapport aux autres affaires? C'est assez important, ouais. C'est quand même gros. C'est parce que la mitochondrie, on parlait d'évolution tantôt, là, ça vient, en fait, d'une bactérie qui a été bouffée par une cellule. OK. Puis c'est ça qui a permis en fait à la cellule de se développer puis de mener à le grand être humain que nous sommes. Ah boy, yeah. Mais comme l'anarchiste, wow. Est-ce que une fois de temps en temps elle appelle sa mère pour qu'elle y passe du cash mais elle chiale contre elle dans son dos? Ouais ouais. Puis est-ce que genre elle est complètement indépendante. Okay, elle critiquer bon. La consommation des gens en s'allumant des cigarettes. Non, parce que c'est elle qui gère la consommation. Ouais. C'est elle qui distribue la consommation. Ouais, ouais, j'avoue. Parce qu'on s'entend, dans le fond, l'énergie que nous, on a, c'est l'ATP. Hein, L'énergie qu'on a, nous, vient du byproduct de son action à elle. C'est ça. Dans le fond, c'est comme... C'est vraiment une relation d'interdépendance. Ouais. On lui amène du sucré, puis elle nous donne de l'énergie en retour. Mais maintenant, on peut plus vraiment dire ça, parce que maintenant, elle fait partie de la cellule. Ben oui. C'est comme... Ben oui, c'est... Maintenant, c'est... Mais il y a des millions d'années, tu pourrais dire que oui, effectivement, c'est une symbiose entre une bactérie puis la cellule. Hey, c'est weird, ça. Je savais pas, je pensais que c'était un vieux monsieur barbu dans le ciel qui avait dit, à un moment donné, il m'a fait ça de même, ça va être plus simple. Ben, il y en a qui disent ça. Ouais, ouais. Il y en a qui disent ça. Est-ce qu'il y a des créationnistes ici? Eux, je les aime. Il y en a-tu? Je les aime. Crime, il y en a en tabarnak. Ils sont vraiment le fun, eux autres. Donc, merci beaucoup, Thierry. Ça nous amène à la pause, hein, j'ai l'impression, Nick. Oh oui. Oui, fait que c'est quoi? Il a l'air occupé là-bas. Ben, présente-nous la toune que tu vas nous mettre et puis oui, allume la lumière pour Chinook. On prend une petite pause et on revient pour la suite de 70%. Dans 5 à 6 minutes, là, il reste Boudreau puis Fred Zartin. Ah oui, mon Chinook, viens danser sur de la liberté. Hein? Belle petite pause libre pour tout le monde. Carry on, carry on, my love. Must carry on. Ah oui, on est de retour à 70%. Toujours avec notre invité Thierry. Comment ça se passe à date pour toi? Ça va bien. Ça va bien? On est confiant. Est-ce que t'as appris quelque chose? Ronald McDonald. Oui, mec trésor, oui, c'était beau aussi. Ouais, les pirates pis tout. Ouais. Tu crois-tu en ça, toi, les pirates? Oui. Moi, j'ai déjà été pirate, d'ailleurs. Ah ouais? Ouais. C'est pas supposé être un hors-la-loi méchant, ça? Oui, mais on était gentils. Pas que le monde applaudissait ça. Ben, c'est des pirates. OK. Oh, j'avoue qu'on aime ça. C'est des pirates. Oh, c'est bon. Johnny Depp pis tout. Là, tout, ça... tu crois-tu à ça, la dichotomie pirate-ninja? Ben, il y a des gens qui disent qu'il existe, mais je sais pas d'où ça vient. C'est ça, ouais, le problème. C'est comme une espèce de légende qu'il y a une confrontation entre les deux. Ça n'a pas rapport. Mais ça vient d'où? Moi, j'aime les deux. Moi, je dis qu'un ninja sur un bateau, ça devient un pirate. OK. un ronin sur un bateau, ça devient un pirate, peut-être? Non. OK, il va falloir qu'on en parle, je pense. Ouais, OK, on reviendra là-dessus. C'est bon. Hey, Nick, let's go, par la prochaine indicatif, on continue le show. Du sendest Elektronen, die sind mir fremd. J'ai ses paroles. La sauce Masmiche. Ça, c'était le groupe REC, R-E-K, groupe d'Allemagne. Le chanteur et le créateur de ce groupe-là, c'est Richard Kirsten, un anglo-germanique qui a le mérite d'avoir créé le tout premier Beatles Revival Band. Ah, c'est un le sacré mérite. Mérite, hein? Le mérite. Ouais, donc, ouais. À lui... En théorie, qu'il y en a d'autres. Ben c'est ça, en théorie. Genre, en 78, le monde parlait plus assez des Beatles. Puis lui, il s'est dit, on va régler ça. Ouais, puis c'est en théorie, c'est à cause de lui qu'on a toutes les revival bands de ABBA, Genesis. On en passe. Hein? Ouais. C'est sa faute. Ouais. Fait que, maintenant, avant d'embarquer dans le sujet principal, je vais faire une petite correspondance, parce que là, je suis en break de correspondance. Correspondance de notre amie Jessie, collaboratrice, qui a trouvé ça dans les rues de Montréal. Et ça va comme si c'est un spotted. Belle inconnue recherchée. S'il vous plaît, prenez en photo et partagez sur réseau. Merci du fond du cœur. Ça commence avec « Est-ce que c'est toi qui, le 2 avril 2015, dans le stationnement de Maxi, pas du Maxi, je sais pas pourquoi, rue Masson, qui m'a appelé au loin et qui a essayé à 5 reprises de me donner ton numéro de celle. Car tu me trouvais vraiment beau. » Tu sais, peut-être qu'il y avait du papier de toilette, poigner ses souliers, je sais pas. Tu sais, la fille, elle voulait peut-être dire d'autres choses. Mais lui, il était vraiment beau dans sa tête. Ouais, elle a essayé ça, 5 fois. Ouais, ouais. Ben, fait que là, il dit « Bêtement, je t'ai laissé partir. Sache que je regrette et espère te fourrer. Te retrouver. » Et son nom, c'est epluribusnum@live.ca, Jonathan D. Live.ca. le gars, il a beaucoup de... T'sais, c'est très personnel. Ça fait longtemps qu'il est allé sur Internet. Ouais, hein? Fait que, bonne chance, monsieur. Ouais, bonne chance, c'est, Jonathan. C'est à côté du Maxi. Quand je passe, je la lis tout le temps. Ouais, tu l'as vu, toi aussi? Ouais, c'est bon. Collé, ça, en tout cas. Fait que maintenant, le plat principal, Tom et tous ceux qui me connaissent bien savent à quel point, moi, c'est primordial, l'apparence, lorsque je décide de suivre une star, un artiste. L'apparence, c'est ce qu'il y a de plus important. Fuck le talent, c'est overrated. On s'entend? Oui. Hein? L'apparence! Alors... Le talent, c'est trop subjectif aussi. Aussi. Fait que c'est ça. Puis la beauté, ça trompe pas. Non. On a tous les mêmes goûts. Exactement. Les mêmes standards. Faut partout. Les suivre. Alors, j'ai trouvé un article d'une dame avec une rigueur et une intégrité journalistique hors normes. C'est presque pas superficiel. Oui. Tu poursuis ton affaire de la semaine passée. L'affaire de la semaine passée. Ah, OK. Est-ce que ça donnait le goût de mort? Ouais. Fait qu'on commence avec Courtney Love du groupe Hole qui a 50 ans. La chanteuse et auteure qui est virée actrice, artiste visuelle, a vraisemblablement tout fait. Hein? Et quand on dit tout fait, à fourrer tout, à essayer toute la dope imaginable, à tout fait. On est au courant de tout ça. Cependant, son régime de beauté consiste de délicieuses cigarettes, boissons, sexe et plus de drogue. Comme quoi, il faut pas faire ça, les jeunes. Il y a juste une de ces affaires-là qui est bonne pour la santé. Ouais. C'est celle qui offusque le plus. Courtney Love, c'est une folle. Puis en passant, c'est Rebecca Miles qui écrit ça dans son article du datingadvice.com. Hein? Dating Advice. Une femme admirable. Est-ce que c'est calice? Let's go. Maintenant, John Travolta, 60 ans. Dans sa jeunesse, John était une triple menace, donnant à tous les adolescentes une dose de la fièvre du samedi soir. Hein? Saturday Night Fever. On dirait que la transition de T-Bird, je présume que c'était son personnage en Grease. Ouais, Grease, ouais. La transition de T-Bird à déraillement de train est une pente glissante pour cet ancien greaser. Parce qu'un déraillement de train en anglais, c'est un train wreck. C'est-à-dire, ouais. T'es tout croche, t'es mal viré. Parce que le monsieur de 60 ans, il est pas assez beau à son goût. Non, faut pas que tu vieillisses. Non, parce que aussi, je pense que la joke, c'est que les deux, c'est un moyen de transport. Ouais, un T-Bird. Un T-Bird, c'est un Thunderbird. Puis ouais. Un train wreck. Elle est brillante, cette femme-là. Ah oui. Elle a fait des liens, là. C'est magique. Ah oui. Non, elle pense à tout. Elle pense à tout. Elle a un gros cerveau. Let's go next. Maintenant, Madonna, 56. Cette sensation pop n'a pas besoin d'une introduction ni d'un nom de famille. Et pourtant, dans ses dernières phases de la vie, on dirait qu'elle a perdu la majorité de son attrait de star. Ben oui, mais calme. Faut pas que tu vieillisses. Ouais, c'est ça le problème. Ouais, c'est ça l'idée. Ouais, faut rester surtout si t'es une fille. Surtout. Surtout. Si, à passer 40 ans, check tes flûtes, va faire la chirurgie, t'es rendu perds du poids, vieille, là, ben oui, sois cochonne, essaye tout. Ben oui. Il y a la table là, qui comprend pas le deuxième niveau, on dirait. Mais à douteux, c'est toujours comme ça, le public est un huitième joueur. Ah oui, c'est ça. Un huitième joueur de premier degré. Du deuxième trio. Maintenant, Haley Joel Osment, 26, le jeune homme qui jouait dans le sixième sens. L'enfant vedette Haley Joel Osment a fait sa renommée avec sa performance à donner des sueurs froides en tant que Cole Sear dans le sixième sens. On se souviendra de sa mémorable ligne « I see dead people ». Aujourd'hui, la seule chose que cet acteur de 26 ans devrait voir est un styliste. Ou un miroir. Comment ose-t-il vieillir? Ben oui, la surtout puberté, quand t'es un gars. Skip ça. Chris, c'est dégueulasse. Il fait ça encore des arrive au 21e siècle, ouais. Le jeune. C'est hallucinant. Si Edward Furlong peut faire encore des films, allez, chose, il peut faire encore Edward Furlong, ouais. Maintenant, Jack Nicholson, 77 ans. Jack a dominé les films romantiques pendant des décennies avec sa beauté sauvage et ses yeux noisettes hypnotiques. Tristement, de nos jours, ses traits prédominants incluent sa grimpante calvitie chronique qui le dégarnit et son tour de taille qui, on espère tous, pourrait se dégarnir. Quel film romantique? Ah, elle mérite vraiment de tomber d'un escalier, cette madame-là. Tu racontes n'importe quoi, Tommy. C'est une belle femme. Oh. T'es pas avec les valeurs des jeunes d'aujourd'hui, Tommy. Non, je l'ai t'es pas. Trop vieux. Ouais, t'es trop vieux. T'en as-tu un autre? Ouais, ou? Non, mais c'est tout. Ouais. Ouais, ok, merci. Ouais. Fait que je vais en avoir d'autres la semaine prochaine. Ouais, il nous reste le top 5. Fait que à la semaine prochaine, et restez jeunes et beaux et à la mode, les vieux. On mérite votre respect des apparences modernes, nous, les jeunes. Oui. Oui. Merci, Jean-Sébastien Godette, tout le monde. Et ça, apprécié, hein? Ça, t'as-tu déjà vu ça, toi, une belle mitochondrie? Genre, ça existe-tu comme des belles pis des plus beau quand c'est plus jeune, ouais. Après ça, ça devient vieux pis c'est net. Oui, genre. C'est comme tout, hein. Ça vieillit pis ça meurt. Ça grossit, ça mange des chips, ça marche veut moins plus travailler. Bien, pis là, ça travaille moins fort. C'est ce qu'on appelle l'entropie. Oui, c'est la tendance que tout a à devenir comme TQS. Ça aurait pu exister. Ouais, c'est ça. Et puis il y a le dad bod aussi, t'es au courant de ça? Ça, c'est comme vraiment, vraiment cave. Vraiment, vraiment, vraiment. Ben, c'est qu'ils pognent des gars qui ressemblent à des gars, puis là, ils appellent ça d'un nouveau mot pour créer une mode qui n'existe pas, dans le fond. OK. Bon, ouais. En tout cas, tu te tiendras au courant, tu vas voir, on va s'en reparler, c'est sûr, ça va être hot. Let's go au prochain! Nick? Reconnu le thème de la soirée du hockey, oui, circa 1979. Oui, oui, c'est alors de que le hockey, c'était quelque chose, c'était différent, c'était pas comme aujourd'hui. Ben non, c'est le sûr. Le hockey en 2015, c'est pas comme avant. En tout cas, c'est vrai. C'est vrai. Je dirais que c'est l'effet Batman. Ben ouais, voilà, disons ça comme ça. C'est sûr qu'il y a plus d'équipes en Arizona qu'il y en a au Québec. Puis dans les, ouais, dans les déserts en général. Ouais, c'est ouais, ouais, ouais, ouais. Très content de te revoir, Fred. C'est vrai parce que c'est comme la semaine passée qu'on va avoir la paix jusqu'au repêchage, jusqu'au. Non, Tommy, jusque. Oui, ouais. Ben là, on est dans le stade des rumeurs. Donc, oui. Ça, c'est ce qui va remplir, je veux dire, l'espace-temps jusqu'au repêchage. Oui, oui. En fait, je pense qu'il y a la cérémonie des trophées avant. Donc là, on va savoir c'est qui va gagner les bouts de plastique puis de métal. Après ça, il y a le repêchage. Après ça, il y a la signature des agents libres. Après ça, il y a le mini-camp. Après ça, il y a le camp des reclus, le tournoi de golf, puis le camp d'entraînement. Et voilà. Donc, et voilà. Et puis, ce qui est quand même assez laborieux pour le domaine, c'est que les vestons-cravates, il faut qu'ils trouvent quand même des affaires à jaser pendant 10 heures par jour. Oui, Tommy, c'est pour ça que je suis encore là cette semaine. Oui. Donc, c'est possiblement l'avant-dernière fois ou la dernière fois, je sais pas, ça va dépendre. Je vais sûrement regarder quand même les finales d'association, tu sais, les Hawks hein, contre les Ducks. Ça va donner du bon hockey, Tommy. Je veux dire, l'Ouest va sûrement encore remporter la Coupe Stanley cette année. Oui, oui, oui. L'Est, on n'a aucune crise de chance, je veux dire. De style hockey de fif, en tout cas. Ben voilà, ça patine vite, mais ça fait juste patiner. Tu sais, faut avoir des gros bonhommes, faut aller travailler dans les coins, puis rentrer puis les autres derrière. Moi, d'ailleurs, je me rappelle une phrase que t'avais dit, c'est que regarde ces joueurs-là, ils sont faits pour les séries. Ils sont faits pour les séries. Oui. Ce sont des joueurs des séries. C'est des joueurs des séries. Oui. Ouais, voilà. Du bœuf de l'Ouest, Tommy. C'est dans la Ligue de l'Ouest qu'il faut aller chercher. Faut étamper le monde dans la bande, c'est ça, the name of the game. C'est la nouvelle Ligue nationale, Tommy. Et voilà, 2015. Donc, c'est terminé. Puis vous le savez, hein, le hockey à Montréal, on est triste. Le Canadien est éliminé. Puis, quand même donné une série de 6 matchs contre Tampa. Une dure bataille, hein, malgré le fait que le Canadien, avec son attaque de tire-poids, a été incapable de reproduire l'explosion offensive qui est survenue dans le studio de TVA Sports, on s'en souvient, hein? Il y avait une explosion offensive en studio. C'est Louis-Jean qui l'avait dit il y a une semaine. Et il y a des réguliers, il y en a qui suivent. Et c'est survenu seulement qu'une fois hein, pendant les séries éliminatoires. Donc, voilà. Le tricolore aura eu, hein, au final, une saison de 50 victoires, de 110 points en saison régulière, mais aura encore une fois été incapable de produire l'étincelle à l'attaque. Comme ce fut le cas hein, la dernière fois avec Vincent Danfous. Oui. On s'en souviendra qu'il faisait des pubs de pilcul. Oui. On peut pas toujours avoir un casque sur la tête. C'est ça. Avec les millions de téléspectateurs. Et la dernière fois, c'était Guy Lafleur. Avant ça. Donc, et ce qui manque aux Canadiens, on le sait, hein, c'est donc du mordant dans l'offensive, du punch aux fruits dans l'attaque. Autrement dit, le sempiternel gros joueur de centre de table qui porte les caractéristiques d'être un gros bonhomme qui fait aller ses pieds, surtout, hein, ce qui crée des chances. C'est on qui crée des chances. Ouais, j'aime ça. Je fais des liens. Ouais. I connect the dots. Et ce qui est aussi doté d'un flair offensif inébranlible et d'une exécution hors pair de bas, en plus d'avoir une touche de finition de peinture. Donc, les rumeurs déjà sont lancées et les spéculations amènent déjà Jordan Eberle, Neil Yakupov, ainsi que 2 choix de première ronde contre Tomáš Plekanec ainsi que Tom Gilbert. Donc, c'est pour ceux qui voudraient faire des trades de PlayStation. Hey, hein? Marc Bergevin a fait allusion à ça. Et lors de son bilan, hein, qui a duré 52 minutes, Marc Bergevin a été très... très, très généreux avec les journalistes qui cherchaient les parcelles d'informations partout. Ah, Tommy, oui, il grattait d'un coin. Il voulait savoir c'était pour être qui le prochain capitaine. Quand est-ce qu'on va savoir? Tu veux juste savoir ton doigt de golf? En tout cas. Et voilà. Est-ce qu'on va pouvoir continuer avec quatre assistants? Je ne crois pas. C'est le Talk of the Week. On y va avec les phrases de la semaine. Je vais aller consulter mon Facebook parce que j'ai ça à quelque part. Je m'excuse pour tous ceux que j'ai écœurés à raison de 18 phrases d'analystes experts de TVA Sports par soir. Et 18. Ça, c'était comme les bonnes journées. On a eu, je vais y aller deuxièmement tantôt aussi avec un drinking game parce que c'est vraiment dommage, je venais juste d'arriver avec ça, puis là, le tricolore et joue plus. Puis bon, on commence, on avait Dave Morissette qui a commencé le dernier match, qui était le match numéro 6, on s'en souviendra, en disant « On s'en va rejoindre Louis-Jean à Tampa pour savoir si ça sent la victoire. » Et Louis-Jean de répondre « Si ça sent la victoire, eh bien, on va le savoir après le match de ce soir. » Donc, ouais. Finalement, ça n'a rien senti, à part la dégelée. On a eu aussi la phrase « Un orage qui vient de s'abattre au-dessus du Amarly Arena, est-ce que c'est prémonitoire? » Oui. C'était encore Louis-Jean. Oui, donc, oui, oui. Ça a quelqu'un été va perdre. Oui, ouais, c'est ça. Mais Louis-Jean, il était dehors. Ça, c'est à l'époque aussi, on ne savait pas trop la pression était où, le momentum était où. Oui, on avait parlé la semaine dernière. La je voulais faire un graphique, j'ai encore pas eu le temps cette semaine. Hein. C'était inversement proportionnel au momentum et à la confiance. Donc, la pression, c'est à l'autre bout du spectre opposé de la balance. Performer, c'est ton instinct. José Théodore, oui, c'est, je sais pas, c'est ça. On en a parlé d'un côté comme de l'autre de l'importance du premier but. Hein. C'est Michel Bergeron qui a fessé sur là-dessus. Le clou toute la soirée. On va revenir tantôt, on aura l'occasion. Roberto Luongo, c'en est un autre avec des patins. Patrick Lalinde. Et Petrie a été pétrifié sur ce tir. Ça, ben celle-là est de moi-même, est de moi. C'est joli. C'était ma joke plate de la soirée, ouais. C'était sur un but. Et il sort du territoire de son territoire. Ah ouais. Ouais. Ça, c'était Félix Séguin, descripteur. Et le Canadien a généré beaucoup de rythme en avantage numérique. Et c'est, encore une fois, c'est tout ce que le Canadien a généré ce soir-là. C'était de Félix Séguin. Michel Bergeron a enchaîné en disant « Tu peux pas tirer 0-3 dans la Ligue nationale. » Ouais. Ça, on apprend tous les fois. Mike Bossy, après le match, il est allé du commentaire suivant. Je vois du monde à la banque, à l'épicerie, puis c'est les chandails du Canadien. La directrice de la banque, c'est la sacoche du Canadien. Donc, ouais, c'est ça. Lui, il voulait dire que plusieurs personnes avaient des articles du Canadien. Ouais. Ou, oui, c'était peut-être métaphore comme quoi les gens sont soit des chandails ou des sacoches. Voilà, c'est peut-être ça aussi. Ouais. Je sais pas. J'aime ta méthode interprétative. Moi aussi, j'opte dans ce sens-là. Keep it premier niveau. Je pense qu'on savait creuser un trou beaucoup trop lourd. Pierre-Alexandre Parenteau. On s'est creusé un trou trop lourd. Ouais, on savait creuser un trou beaucoup trop lourd. Ouais. On en avait tellement parlé du premier but pendant les derniers jours que c'était Michel devenu Bergeron. Tellement important. Ouais, c'est Michel Bergeron. Encore une fois. C'est lui qui arrêtait pas d'en parler, il arrêtait pas de dire c'est important le premier but, puis tout le monde parle du fait que c'est important le premier but, les fois qu'on entendait parler, c'était lui qui parlait du premier but. Ben voilà. L'importance du premier but. Créer un hype, man. C'est des joueurs que tu sais qu'avec le talent qu'il y a, qui peut faire la différence. Patrice Brisebois, encore une fois. Michel Therrien, qui, dans son bilan après le dernier match, a résumé ça en un mot, ont pas été bons. Voilà. Stoïquement. On a une question ici. On a une question d'une personne ici dans la salle qui posait une question. Jadis fan de hockey, j'ai toujours été curieuse. T'as l'air de connaître les expressions. Que veut dire une envolée à l'emporte-pièce? Je ne suis que le messager, mais je dirais que ça implique peut-être des canards avec des morceaux achetés chez Rona, je sais pas. Je pensais que t'étais le Hermès du hockey, mais... Ben, c'est peut-être faire le grand V aussi, comme dans les Mighty Ducks. Oui. Okay, voilà. Ben, à suivre. C'est peut-être dans l'Ouest aussi, parce que les Ducks, c'est dans l'Ouest, puis... Voilà. C'est comme ça. Quoi? C'est un beau moment, j'ai aimé. Nice. Let's go, continue. Combien de temps que ça prend gagner un match? Réflexion philosophique de Patrice Brisebois. Ouais. Mike Bossy a dit il a ce qu'il a et il fait très bien avec. Ouais. Et il a dit un petit peu plus tard il veut faire amener son équipe le plus loin possible. Il veut faire amener son équipe. Faire amener son équipe. Ouais. Ouais. Et bon. Deuxième mot, hein, je trouve ça triste un peu que la triflanelle soit maintenant éliminée, hein, puisque je commençais à avoir un drinking game crissement potable, Tommy, hein, on aurait pu jouer chez nous. Anyway, si jamais vous voulez l'essayer, hein, il reste toujours, comme je disais, les finales d'association puis la grande finale de la Coupe Stanley. Voici donc, hein, et oui, c'est ça, c'est le drinking game. Ça ressemble un peu, hein, à ceux qui s'en rappellent dans le temps de l'RDS au drinking game Benoît Brunet. Vous pouvez le trouver dans Google Images. Hein. Vous prenez une gorgée lorsqu'un expert TVA Sport dit les mots-clés suivants. Donc ça, c'est pas super, c'est juste des mots-clés. Donc confiance, pression, momentum, caractère, intensité. Exécution. Exécution. On peut rentrer. Ouais, vous pouvez en rajouter, hein, aussi. Vous pouvez ajouter au drinking game. Vous prenez trois shots, hein, ou trois gorgées quand un expert TVA Sport mentionne l'importance du premier but. Que les meilleurs doivent être les meilleurs. Ça, j'aime ça. Ouais. Ouais. Lorsqu'on parle d'un gros bonhomme. Un gros bonhomme. Un gros bonhomme. Lorsqu'un expert dit que c'est des joueurs des séries. Lorsqu'on parle de faire bouger ses pieds ou ses patins, hein, par extension. Et lorsque Carey Price sauve les meubles en faisant un arrêt qui n'a pas de prix. Donc, lorsqu'il dit « Quel arrêt de Carey Price? » C'est trois gorgées. Et voilà. Et on vide son verre, finalement, lorsque un journaliste fait allusion à sa propre carrière. Hein? Dans les entractes. Hey, ça va être cruel, ton affaire. Ou, alternativement, quand José Théodore ou Jean-Sébastien Giguère disent « En tant que gardien de but... » Ouais. Et quand Bergie sort une anecdote des années 80, fait allusion au frère Stassny ou parle du but d'Alain Côté. Lorsqu'un expert scrape une métaphore. Chris, man. On a un exemple. Mission de ton équipe, puis là, il est arrivé. Là, on parle de la fenêtre. Là, la fenêtre est ouverte. Elle sera pas ouverte. Vietnam Eternam, ça ne durera pas pendant 10 ans. À Vietnam Eternam, c'était. Ça, c'était Carbonneau, hein, si je... Oui, c'était un exemple concret, gracieuseté de Guy Carbonneau. Tabarnak. Finalement, mais non le moindre, quand Patrice Brisebois dit quelque chose de complètement incompréhensible. Donc, on avait un exemple, mais je ne l'ai pas apporté, ça dure 45 secondes. On l'a écouté il y a 3 semaines. Oui. Moi, je tenais souvent à parler. Moi, j'ai un extrait qui s'est fait demander en 98 quel était son plus beau souvenir en tant que joueur de hockey. Ouais. Et ça y a pris 45 secondes de répondre quand j'ai gagné le championnat junior en 89. Ce qui est la moyenne que ça prend pour essayer d'exprimer avec plus ou moins de clarté ses idées. Oui. Ben, c'est ça. On souhaite à tout le monde de ne pas être Patrice Brisebois. Tout à fait. C'était la morale de l'histoire. Merci beaucoup, Fred. Fred Fournier, tout le monde. Ah, sabristi, hein? Là, on est rendu au dernier. Es-tu un fan de sport professionnel? Voilà, dans ta pipe, Caïn, la chicane, Marjo va chier. OK. Hey, tu t'es fait des ennemis puissants à soir, toi? Ouais, ben tu sais comment est-ce que c'est, hein? T'écoutes pas ça, mais t'en parles pareil. Ouais. Voilà. Cette semaine, vous êtes nombreux à vous en douter. Les choses qui m'énervent sont légion, hein? Battez-vous, débattez-vous. OK. C'est ça, les choses, la frénésie des fêtes. Ça me gosse solide. Les annonces de char. Ouais. Hey, c'est over the top, là. C'est une hostie crise de limite. D'ailleurs, si tu me permets, il y a une nouvelle publicité de Cadillac qui vient de sortir et le slogan, c'est « Un homme fort n'accepte pas de compromis ». C'est pour vrai, là. C'est oui, ça oui, ben, moi, je suis tout à fait d'accord avec cette affirmation-là. Ouais, ouais. C'est un homme célibataire aussi. Ouais, ben, espérons-le. Je sais pas c'est quoi être fort dans le monde, là, mais... Ben moi, je suis du genre à en faire un peu des compromis, mais fait longtemps que je n'ai pas fait de sport aussi. Fait que je suis pas si fort que ça, en fait. Je me suis battu une fois à l'école, puis c'était avec une fille. C'est vrai. Elle m'a sauté dessus, la crise de vache. Ouais, elle m'a sauté dessus. Moi, j'étais tout petit, puis là, j'avais peur. J'étais là. Moi, la seule image de femme que j'avais, c'était ma mère, tu sais, un mastodonte incroyable, tu sais. Ma mère était capable de prendre une vache dans une main, puis me faire une pizza de l'autre main, là, tu sais. C'était une femme de campagne en ville. C'était... Fait que là, quand la fille, elle m'a sauté dessus, j'ai dit non, maman, ne me fais pas mal. Puis finalement, ça a fini, la fille, elle pleurait, tu sais. Puis personne ne savait pourquoi, parce qu'elle était en train de me rentrer dedans à gros coups de poing. Et finalement, les gens se sont rendus compte que j'y avais arraché le tiers des cheveux. La tabarnak. Qui c'est qui a gagné après ça, hein? Ça a été un match nul. Voilà, hein, il faut pas se battre, c'est con. Bon. Non, mais c'est vrai, c'est con se battre. C'est con se battre, esti. Ouais, fait que là, j'ai pub de char. Ouais, ça me fait chier. En général, ça me fait chier. Et là, je suis venu te parler des choses qui me font chier. Hein? Comme ça va être vite fait, facile, puis je décalisse après. Okay? J'ai quelque chose sur le feu. Hein? Donc, moi, perdre des affaires. Tu dis que ça me gosse. Chris, tu perds ton lighter. Moi, une fois, 23 portefeuilles dans un an, Tommy. Ah, oh, tabarnak. 23 portefeuilles. Ben, j'ai consulté. J'en pouvais plus. Moi, j'étais persuadé qu'il y avait un fucking magicien pickpocket qui me suivait. Persuadé. Et ça a marché. Ça a marché. Le psy a découvert ce que j'avais. Je prenais trop de drogue. Ça a l'air fou dit comme ça, mais au moins à cette heure, je le sais. T'sais. C'est vrai. Hein? Donc, je fais plus attention à mes choses. J'en apporte le moins possible. Puis j'ai une petite pochette pour tout. Dans ma petite pochette, il y a un zip, il y a un velcro en dedans, il y a un cadenas. Tu viendras, tabarnak. Tu viendras après ça, cette petite calice. Moi, tu viendras essayer de me voler. Moi, je te laisse tes flottes. T'es sûr que c'est pas toi? Non, je suis. Okay. Non, il est pas sûr. Ben, en fait, pendant un an, j'ai suivi Alain Choquette. J'étais certain que c'était lui. Bon. Finalement, ça a fini en cours, puis. Là, tu peux pas t'approcher à moins de 50 mètres. Ça a pas fini en cours, ça a fini dans sa cour. Mais il y avait des agents de sécurité quand même. En tout cas, bon. Et moi, dans une conversation, tu sais, le monde qui fume leur top frénétiquement quand tu leur parles, sérieux, décroché. C'est comme si t'étais en train de me dire, yo, ce que t'es en train de me dire est tellement malade, faut que j'en finisse. Tu peux quand même fumer ta cigarette relax, tu sais. On est quand même juste en train de parler de Motion Picture, l'album de Rush de 1982, enregistré à Moronite. OK? C'est pas si hot que ça. Bon. Mais c'est un excellent album. Non, c'est relax en esti. Les estis d'attrape-nigo à l'épicerie, Tommy. Ça nous arrive tous. T'es dans les surgelés, brochette de crevettes, 1,50. Tiens, un spécial sur les crevettes, mium mium, hein? Me dis-je. Et là, bon, c'est écrit sur le petit papier, c'est écrit brochette de crevettes, 1,50$. Mais si tu regardes attentivement dans le congélateur, tu te rends compte que dans le paquet, il y en a deux et que sur le paquet, c'est écrit 3$. Mais il y a un petit coupon marqué brochette de poulet, 1,50$. Et moi, je le comprends, le principe que mon seul privilège en tant que consommateur et de me faire fourrer le moins possible en multipliant les efforts hein, de tous les jours, en regardant, en lisant, en me renseignant. Sur... Mais là, un mené, c'est trop. Là, tu sais. Fait que là, tu te fais avoir comme un débutant, puis t'arrives à la caisse. Comment ça, 3$? Mais monsieur, il y a 2 brochettes. Une petite crise de folle. Donc... Et, non, mais moi, j'ai un truc pour mon épicerie, c'est dealer, tu sais. Dealer parce que c'est pas un mauvais deal, là, 16 crevettes pour 3$, tu sais. Ouais. C'est super bon comme deal. Là, t'achètes 16 crevettes sur une brochette, sur 2 brochettes, t'amènes ça chez vous, tu crées ça au four, tu fais un petit riz puis une sauce, puis... Ça score. Il y a une chance de se faire sucer, en effet, Tommy. on se le cachera pas. Non, mais c'est vrai, tu sais. C'est pas fou, tu sais. Et non, moi c'est les astis de vendeurs en général, je pense, qui me gossent. Je ne suis pas capable. Surtout quand les vendeurs sont génériques à souhait, là. Vraiment, le gars, en 2015, vient me voir la semaine passée et me dit « Cherchez-vous quelque chose en général. » OK? En particulier, pardon. Excusez. Ah, okay. « Cherches-tu quelque chose en particulier? » Et ça, non, mais c'est très général. Oui. Et pour moi, dans ma tête, c'est toujours la même affaire. Je me dis tout le temps, mon hostie de calice, je vais t'arracher la gorge, faire un nœud avec tes cordes vocales et remplir le trou avec tes hosties de cossins. Mais malheureusement, il y a ce qu'on appelle des lois. Malheureusement. Donc non, j'ai pas besoin d'aide, merci. OK? Le monde qui dépasse dans les files d'attente, Tommy. C'est-tu insultant, ça, un peu? Déjà, quand tu fais une file d'attente, hein, on se sent un peu comme à la petite école, tu sais, hein, tu sais, comme chez les communistes aussi, tu sais, seul, humilié, maillon hein, d'une longue et lourde chaîne qui nous tire tous vers les entrailles du vide absolu, t'es là, dude, je m'en crisse là, que t'ailles 42, ce que tu voudras, là. Ça ne se fait pas passer en avant du monde dans la file d'attente. Tu ne nous laisses pas le choix dans le coin. À genoux, dans le coin. Je m'en fous que t'ailles 42 ans. Bon, c'est ça. C'est comme ça que je me sens. Non, mais parce que ça fait longtemps que les gens ont compris en général que fait chier une file d'attente. OK? Et jamais là, tu vas entendre un vieux dire, tu sais, ah, dans mon temps, les files d'attente étaient plus le fun, tu sais. Ça jasait, il y avait du pop-corn, des pédalos, tout coûtait 5 cents. Non! Tu sais, ça. Je n'ai jamais entendu parler non plus hein, de dépendance aux files d'attente. Hey, sérieux, man, faut que j'arrête les files. Non, tu sais. Ta femme ne divorce pas à cause de ta consommation de files d'attente! Tu sais, ça... Et pourquoi ces choses-là arrivent pas? Parce qu'on le sait tous que les files d'attente, c'est la chose qui énerve le plus l'humanité depuis le début. Hein? Au début, il y était 2. Hein? Il y avait Adam, puis il y avait... L'autre, là. Lilith! Ah... Vous, a... Steve! J'ai un Steve ici qui me dit deux Steve! Deux Steve une fois! Non, il y avait Adam et Janine Suto. Bon. Voilà. Deux la mare de pognée, 7 milliards, Tommy, la mare des pognées, OK? Il n'y a plus une file d'attente qui se tient. Voilà, bon. Et là, je prends pas plus de temps que ça parce que tu sais, d'autres choses à faire dans la vie. Et ça, c'est pas vrai. Bon, en terminant, tu t'en doutes que faire une fin à ma chronique, ça me gosse solide. Ouais, t'es... Ouais, Mathieu Boudreau, tout le monde. Il y avait cette rage là, hein, c'est. C'est très communicatif comme rage, ça. Ben, c'est, oui. Ouais, t'as senti? Tout ce quoi qui te tape ses nerfs? Les films d'attente, c'est un bon point. Ouais, ouais, c'est vrai. C'est comme un ennemi commun. Puis la rage au volant. C'est vrai. C'est, mais souvent, ça devient comme aussi la file d'attente. Parce que les embouteillages. C'est un effet secondaire de. Ouais. Ah, puis je pense à ça. Est-ce que les lignes. Tu sais, t'attends au téléphone, là. Les mises en attente au téléphone. C'est peut-être une version moderne des files d'attente. Moi, c'est quoi? Tu sais pas. Comme si on pouvait pas aller se chercher du divertissement n'importe où aujourd'hui, ils continuent à mettre de l'hostie de musique plate quand ils nous mettent en attente. Fait que t'es obligé d'écouter la musique plate d'un bar, puis Game of Thrones sur ton téléphone. Voyons, hostie, peux-tu fermer la crise de musique? Il y a Game of Thrones sur mon ordi. Ben ouais, je vois ce que tu veux dire. Ouais, ben moi, non mais j'ai c'est vrai, c'est intéressant. Moi, j'ai fait un dossier de 18 pages là-dessus. Mais là, je l'ai tassé parce que pas de temps. Bon, on y reviendra peut-être dans le futur. Tu l'as effacé, genre, il n'existe plus. Non, ils m'ont juste pas répondu encore. Ah, okay. Les calices, je les attends. Ça nous amène à la dernière participation de chroniqueur de la... Ah, Bruno, pour les dernières nouvelles de la journée... Écoute ça, tu vas apprendre. Ah, oui, je suis de retour. Un homme de North Adams a été mis en détention préventive par la police après avoir été trouvé en train de courir après un ours dans la forêt en maniant une machette. Vengeance, oui, hurlait-il. D'ailleurs, l'alcool aurait joué un rôle dans cet incident. Oh, yeah! La police en est allée d'un avertissement sage à la population. La police de North Adams insiste pour que personne ne coure après les ours dans la forêt avec une machette pas aiguisée sous. Mais c'est aiguisé, c'est correct. Ben, je pense que c'est le mélange de toutes ces affaires-là qu'il faut pas faire. Là, Anyway, l'ours... Ouais, laisse-les tranquilles. On s'en va avec une deuxième bonne nouvelle. Celle-là, par exemple, c'est comme une vraie bonne nouvelle, fait que c'est cool. Les spectateurs du festival de musique métal de Festival de musique métal Carolina Rebellion. OK. Ont été accueillis par un manifestant chrétien maniant une pancarte les avisant qu'il n'y a pas de délivrance en enfer. L'homme qui manifestait bien sûr contre la musique rock et les homosexuels avait indiqué sûrement d'autres affaires. Ouais. avait indiqué un site web warningsofrat.com où les gens peuvent aller lire plus d'informations sur sa cause. Des spectateurs ont vite découvert que le nom de domaine était expiré et l'ont donc acheté pour qu'il se redirige maintenant vers le site pornographique gayhardcorescaryfuckers.com. Fait que là, on peut aller chercher de la bonne information. Je vous invite. Je vous. C'est vrai, il appelle ça des amis de derrière. Oui. Donc, je vous invite tous à aller visiter warningsofrat.com. Même ça, ça a l'air d'un nom de band metal. Warnings of Wrath, genre. Un homme s'est présenté dans un Subway d'Olympia Wash affirmant qu'il était armé d'un revolver et a demandé de vider la caisse, bien sûr. Il s'est présenté avec un sac de tissu sur lequel il avait dessiné un sigle de dollars afin de récupérer l'argent. Comme Monsieur Moneybag, là! Moi, je trouve ça. Là, je trouve ça drôle. Il aurait été arrêté, pas de nouvelles, s'il avait l'intention de partager avec les autres Dalton. Sacré craqué. Ensuite de ça, Linda Barretti a été expulsée d'un KFC alors qu'elle donnait le sein à son enfant. La raison invoquée par le restaurant, la femme de 76 ans, allaitait son fils de 42 ans. La femme outrée... affirme que ses choix pour éduquer son fils sont les siens et que personne ne devrait la juger là-dessus. J'ai élevé un beau grand homme qui, attendez la surprise, vit encore chez moi. La femme compte intenter une poursuite en justice au restaurant débattée. Hey, c'est donc bien débile, ça. Ça, ça veut dire parce qu'il faut tout le temps que tu tires du lait pour continuer. Fait que ça veut dire ils ont jamais ça arrêté. Fait 46 ans que... Il doit être caillé en maison nasty. Creep, là. Oh, viens passer l'Halloween, mais juste dans ma maison. Asti de calice. Et on y va de la troisième bonne nouvelle et dernière nouvelle de la soirée. Le président Vladimir Poutine a mené son équipe de hockey à la victoire 18-6 contre les joueurs de hockey professionnels. Le chef d'État a lui-même marqué 8 de ses buts, la plupart grâce à des passes de Pavel Bourré et Valérie Kamensky. Poutine est le meilleur athlète au monde, dommage qu'il ne joue qu'à de rares occasions contre seulement des athlètes russes. Aïe, il recevait la passe de Pavel Bourré et de Valérie Kamensky. Ouais, ouais. C'était quoi? C'était le spécial des sur-seniors russes? Genre, ouais, les deux, ils ont 50 ans. Hein? Mais ils font des bonnes passes. Et voilà. Puis Poutine, il a 60 ans passé, mais c'est encore le meilleur. Ben, moi, je pense que oui, là. Tu tombes dans l'éditorial, Bruno? Ben, en tout cas, je veux dire, moi, j'y vais avec les faits, là. Y a-tu déjà perdu quelque chose? Non, mais t'es au courant que le... En fait, c'est Kim Jong-un, là. Ouais, il a fait une ronde de genre 19 au golf, là. Ouais. Puis il a fait 18 trous d'un coup d'affilée, genre. Là, ouais, bah, ouais, ouais. Puis ouais. Il paraît que tous ses bodyguards y ont confirmé. Comment ça s'appelle, ça, quand tu fais moins 5 sur un trou? Ça a-tu un nom? Non, non, c'est ça. Ça s'appelle Kim Jong-un. Phoenix! Kim Jong-il avait écrit 500 livres durant son parcours universitaire. Oui, oui, oui, 500. Oui, oui. Il n'a pas dit l'épaisseur, mais calme. Hein. Ce qui fait qu'on arrive à la fin de 70%. Tommy, merci beaucoup tout le monde. Je peux te faire une petite annonce. S'il y a des gens qui ont des magazines Wow, Fan Club, Filles d'aujourd'hui, n'importe quoi, avec de la correspondance qui date d'au moins 10 ans, communiquez avec nous, j'en ai de besoin. Et voilà, c'est dit. Merci beaucoup à Jean-Sébastien, merci à Simon Portalance, merci à Fred Fournier, Mathieu Boudreau, Damien Blas-Bouchard, Antoine Lavigne, merci à Élise, merci beaucoup à Nick aussi, merci à Thierry, notre invité. Allez le ramasser sur Facebook, il fait du cosplay. Merci à Bruno aussi. Là-dessus, ben, donnez-nous quelques instants, on transfère la salle pour avoir des projections de nos VJ invités de la soirée, l'excellent Antoine et sa douce Sarah. Voilà, ça va être de la lutte puis des affaires des States. Merci, mon nom est Tommy, puis je vais faire autre chose.